بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، on continue et on termine cette série bi'idnillah azza wa jal sur la biographie des quatre califes radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa al-yawm on résume la biographie de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda'ah. Wa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq wa as-sadat. Amma ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu, amma son nom et ses origines, sa kunya, fahuwa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Et Abu Talib, son père, c'est Abdumanaf, ammu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc son père, Abu Talib, il s'appelait Abdumanaf et c'était l'oncle du prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le frère de son père. Donc Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. قال النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات: هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه بالمؤاخاة وصهره على فاطمة سيدة نساء العالمين. Donc c'était le cousin du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et كذلك son beau-fils, il était marié avec فاطمة, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Qala wa abu sibtin wa awwal hashimi wulida bayna hashimiyyin wa awwalu khalifa min bani hashim wa huwa ahadu al-ashara alladhina shahida lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil jannah. Il fait partie des 10 auxquels le prophète sallallahu alayhi wasallam il leur a annoncé la bonne nouvelle annahum rentreraient au paradis alors qu'ils étaient encore vivants. قال واحد الستة اصحاب الشورى كما تقدم معنا في البيوغرافي دو عثمان رضي الله عنه الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وهو احد الخلفاء الراشدين الكاتريم كاليف واحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين واحد السابقين الى الاسلام رضي الله عنه. Incha'Allah ta'ala, on va le détailler dans cette biographie. Amma kunyatu, fa kama qala ahlu as-siyar, annahu il avait deux kunyas. Abu al-Hassan, par rapport à son fils aîné, al-Hassan, ibn Ali. Et kadhalik, kannahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, bi abi turab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné une autre kunya, Abu Turab. Et al-qissa ma'roufa mashhoura. Quand il s'est disputé avec son épouse Fatima, radiyallahu anhum ajma'in, et il est sorti de chez lui, et il s'est endormi au masjid. Et quand il s'est endormi, il a été recouvert de turab, de poussière, de sable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a trouvé dans le masjid, il l'a réveillé et il lui disait « Qum ya aba turab, qum ya aba turab ». Et Ali, radiyallahu ta'ala anhu, vu que c'est le prophète Mohammed alayhi salatu salam qui lui a donné cette kunya, il aime être appelé avec cette kunya Abu Turab. Qala al-hafiz fi al-isaba rahimahullah wulida Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qabla al-bi'sa bi 10 sinin ala as-sahih. Il y a une divergence sur sa date de naissance et l'année, et al-hafiz ibn Hajar rahimahullah dans al-isaba rajjaha annahu il est né 10 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la révélation. Donc quand un nabi sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation, il avait à peu près 10 ans radiyallahu anhu. Amma walida et zawjatuhu wa awladuhu, concernant ses parents, ses épouses et ses enfants, faqala al-hafiz fi Fath al-Bari rahimahullah ta'ala Abu Talib ay son père واسمه عند الجميع عبد مناف. Donc le nom de son père, il était مشهور بكنيته أبو طالب. celui qui s'est occupé du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et il s'appelait Na'am Abd Manaf. ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وثلاثين سنة. Donc il avait 35 ans de plus que le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. أي son oncle Abu Talib. وكان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'était le frère du père du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Son père Abdullah. أما sa mère رضي الله عنها فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم القرشية الهاشمية. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال في السير كانت من المهاجرات توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أما سامير فالحمد لله لامبراسي الإسلام contrairement à son père Abu Talib qui est mort على الكفر أما سامير فاطمة بنت أسد فالأكسبت الإسلام et elle a fait l'hijra et elle est morte في المدينة alors que le prophète صلى الله عليه وسلم il est encore vivant. فرضي الله تعالى عنها. أما ses épouses et ses enfants فتزوج رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il s'est marié avec la fille du prophète عليه الصلاة والسلام. سيدة نساء العالمين. Une des meilleures femmes qu'il y a eu sur terre. La fille du prophète عليه الصلاة والسلام. Et ولدت له. Il a eu plusieurs enfants معها. وهم الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب. Donc il a eu 5 enfants معها, 3 garçons et 2 filles. أم كلثوم, la fille de Ali رضي الله عنها et de Fatima, تزوجها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Plus tard, c'est devenu l'épouse de Omar. Et ça montre le lien qu'il y avait entre الصحابة رضي الله عنهم. Contrairement à ce que Al-Kadhaboun, Al-Zanadiqa, Al-Mujrimoun, ils essayent de faire croire qu'il y avait de l'animosité entre Omar et Ahlul Bayt, et la famille du prophète, alayhi salatu wasalam, entre Omar et Ali, Omar et Fatima, etc. Ça nous prouve que c'est du kadib. Si Ali, radiallahu anhu, il lui a donné sa fille, Kulthum, là, je sais qu'il a accepté, il reconnaissait le rang de Omar Al-Farouq radiyallahu anhu. Omar, il a eu 2 enfants avec Kulthum, Zayd wa Ruqayya. كذلك تزوج بأمامة بنت أبي العاص radiyallahu anha, وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Eh نعم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait plusieurs filles. فعلي s'est marié avec Fatima, la fille du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم il ne s'est pas marié avec d'autres femmes pendant tant que Fatima est encore vivante. Et il s'est marié avec d'autres femmes après la mort de Fatima, radiyallahu anhum. Et parmi ces femmes, il s'est marié avec Umam, la fille de Zaynab, la fille du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc il s'est marié avec Fatima, la fille du prophète, alayhi salatu wasalam. Et il s'est marié kadalik avec Umam, la petite fille du prophète, sallallahu alayhi wasalam, la fille de Zaynab. كذلك parmi ses épouses Asma bint Umays وولدت له يحيى, il a eu un enfant معها qui s'appelait يحيى. Et كذلك parmi ses épouses خولة bint إياس وهي أم محمد ابن الحنفية وهو من كبار التابعين رضي الله عنه. Et محمد ابن الحنفية il est connu pour العلم, il fait partie des imams من أئمة السنة, et c'était le fils de Ali et de خولة. أما إسلامه رضي الله عنه فدخل في الإسلام قبل بلوغه. Il est rentré في الإسلام رضي الله عنه avant l'âge de la puberté. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il a reçu la révélation, le début de la prophétie, فعلي رضي الله عنه, il avait à peu près 10 ans. فهو أول من أسلم من الصبيان. C'est le premier enfant qui a embrassé l'Islam. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية أن خادجة أول من أسلم من النساء كما نعدتي قليلا dans la biographie de خديجة رضي الله عنها. خديجة c'est la première femme qui est rentrée في الإسلام. وقبل الرجال أيضا بل خديجة c'est la première femme et كذلك elle a devancé tous les hommes. C'est la première personne qui a accepté le message du prophète عليه الصلاة والسلام. وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. Amma parmi les esclaves, le premier c'était Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Wa awwal man aslama min al-ghilman Ali ibn Abi Talib, le premier enfant qui a embrassé l'islam c'était Ali radiyallahu anhu. Fa innahu kana as-saghir dun al-bulugh 'ala al-mashhur wa ha'ula kanu idhak ahl al-bayt. C'était la famille du prophète alayhi salatu salam, ha'ula أهل البيت من المؤمنين خديجة وعلي. قال وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم. وهذا لا شك. Le premier homme qui a embrassé l'islam, c'est le premier homme libre. C'était Abu Bakr رضي الله عنه. Et beaucoup de compagnons, بل من المبشرين بالجنة كم عثمان وطلحة وd'autres. Ils sont entrés fil janna ou ils sont rentrés قصد في الاسلام بسبب دعوه ابي بكر الصديق. اما هجرته الى المدينه قال ابن اسحاق رحمه الله في السيره ولم يعلم فيما بلغني بخروج النبي صلى الله عليه وسلم احد حين خرج الا علي بن ابي طالب وابو بكر الصديق وآل ابي بكر. نعم تعلمون ان هجره النبي صلى الله عليه وسلم تاخرت. Beaucoup de compagnons ils ont fait la hijra avant. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم il est resté un des derniers avec Abu Bakr. Et les seuls qui savaient que le Nabi صلى الله عليه وسلم il allait faire la hijra, c'était Ali et Abu Bakr et bien sûr la famille de Abu Bakr. Quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il est rentré chez eux et il les a informés. قال أما علي رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بمكة. وهذا سمروي في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné à Ali de ne pas faire la hijra avant lui et d'attendre que النبي صلى الله عليه وسلم et Abu Bakr ils partent ثم il fait la hijra après eux. كما روى البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث ليالي. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait l'hijra et Ali il a attendu trois jours après. قال حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a chargé Ali رضي الله عنه de rendre les dépôts que les gens ils avaient posés عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانات. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a chargé Ali de les rendre à leur propriétaire في مكة. C'est pour ça qu'il s'est attardé pendant trois jours, le temps de rendre à tout le monde leur bien. قال حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. هذا هذه القصة رواها البيهقي كما تقدم الشيخ الألباني لحسن dans إرواء الخليل. Donc après trois jours et trois nuits, Ali, radiyallahu anhu, il a fait la hijra ila al-Madinah. Amma fadailuhu, les mérites de Ali, fakathira. Minha, qawl al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr fi al-Jannah, wa Umar fi al-Jannah, wa Uthman fi al-Jannah, wa Ali fi al-Jannah. Hada al-hadith taqaddam ma'ana kathiran. Dans la biographie de chaque calife, on l'a cité. Ali Kadalik, il fait partie de Al-Mubashirin Bil-Jannah. Ce à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a annoncé de leur vivant, nous y rentrerait fi Al-Jannah. Et ça, c'est un fadl azim. Ça montre qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté les œuvres de Ha'oula. En Allah subhanahu wa ta'ala, il aimait Ha'oula. En Allah subhanahu wa ta'ala, et il les fera rentrer fi al-jannah sans aucun doute. كذلك من فضائله ما رواه ابو هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير. مر le prophète صلى الله عليه وسلم il était à Mecca et il est monté sur cette montagne Hira, la célèbre caverne de Hira Ma'roufa, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation. Et il était accompagné de Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair. Et ha'oula kulluhum, ils font partie des 10 que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aura annoncé Al-Jannah. Fatahrakat al-Sakhra, un rocher il a bougé. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. الحديث رواه مسلم. On connaît ce hadith, qissat, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont Uhud avec Abu Bakr, Omar et Uthman, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la même chose, ihda, et il n'y a qu'un prophète sur toi et un véridique et un martyr. Fahakada amka, la même chose avec Ali radiallahu anhu. Wa sayati ma'ana annahu il est mort martyr radiallahu anhu. Min fada'ilihi kathalik marawahu البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا أعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. Durant cette bataille خيبر, le prophète صلى الله عليه وسلم il a informé أنه يدنغي الراية, et le drapeau qui portait lors des batailles durant le jihad, et il a informé أنه يدنغي الراية, le drapeau dans cette bataille, à un homme. يفتح الله على يديه. Ça va être une cause pour la victoire. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Cet homme, il aime Allah سبحانه وتعالى et son messager صلى الله عليه وسلم et son messager. Et Allah عز وجل, ils aiment cet homme. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. Vu que le Nabi صلى الله عليه وسلم il les a informés de ce hadith la soirée, enfin, toute la nuit jusqu'au lendemain, les gens ils se demandaient c'est qui cet homme qui aime Allah et son messager, et كذلك Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ils aiment cet homme. Hada, c'est un fadl azim, ça c'est une shahada, c'est une shahada très très importante. C'est pour ça que les compagnons ils espéraient tous être désignés. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها. Le lendemain matin, ils espéraient tous recevoir al-raya et être les porte-drapeaux du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. كلهم يرجون أن يعطاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a demandé des informations concernant Ali. فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. Il avait un problème aux yeux. قال فأرسل إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له. Il avait mal aux yeux. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a mis de sa salive dans cette partie où Ali il avait mal. فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. Il a été guéri directement. كأنه il n'a jamais eu de problème. كأنه il n'avait jamais eu de douleur. فأعطاه الراية. Quand il allait mieux, النبي صلى الله عليه وسلم il lui a donné le drapeau. فتبين أن cet homme qui aime Allah سبحانه وتعالى et son messager عليه الصلاة والسلام et Allah et son messager ils aiment cet homme, فسيتي علي ابن أبي طالب. فسا c'est من أوضح الأدلة pour montrer le rang très très élevé de هذا الصحابي الجليل. كذلك من فضائله ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. Je fais partie de moi et je fais partie de toi. قال الحافظ في الفتح أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك. نعم, il était lié directement avec le Nabi صلى الله عليه وسلم. Ils avaient les mêmes origines, les mêmes ancêtres. Leur père c'était des frères. Donc ils étaient liés par un nasab, par des liens de parenté direct. كذلك الصهر, أنه il s'est marié avec la fille du prophète عليه الصلاة والسلام. كذلك المسابقة, il fait partie des premiers qui ont accepté le message du prophète عليه الصلاة والسلام. والمحبة, النبي صلى الله عليه وسلم il l'aimait beaucoup. Et d'autres points qu'on a cités, qu'on citera inshallah. On peut citer un dernier mérite. مرواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أن لا نبي بعدي. قال شيخ ابن عثيمين concernant ce hadith, أنت مني بمنزلة هارون, أي pour moi tu es comme هارون par rapport à موسى. هارون c'est un prophète et c'était le frère de موسى. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit Ali, tu es comme pour moi comme Haroun il était à Moussa. قال الشيخ العثيمين رحمه الله ضمن شرح السفارينية: وقد استدل الرافضة بهذا الحديث على أن عليا رضي الله عنه أفضل الصحابة. Et ce point il est important concernant les mérites de Ali رضي الله عنه وأرضاه. لأن هناك قوم من الضلال من الزنادقة ils ont exagéré concernant les mérites de Ali. إما en se basant sur des preuves authentiques quand ça les arrange bien sûr. Lakin, ils ont utilisé ces hadiths authentiques pour critiquer les autres compagnons. Mathalan, ce hadith. Et moi, en inventant des hadiths et des mensonges. Amma ce hadith, قال le Cheikh Al-Uthaymeen, ولكن لا دليل فيه. Contrairement à ce que Rafida pense, ce hadith, c'est une preuve que Ali, c'est le meilleur des compagnons. Pourquoi le Nabi sallam, il a fait cette comparaison. Haroun et Moussa, Ali et le prophète Mohammed alayhi sallam. لكن تأملوا القيد كالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سيتي سيت بريسيزيون إلا أن لا نبي بعدي فساسا مونتر أولا ك لا كومباريزون أنتر هارون إي علي سي با دون تو لي دومين لا بروف سي ك علي سي با أن بروفيت بوركوا باسكو نيافي با دو بروفيت أبخي لو بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام فقال الشيخ العثيمين رحمه الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين خلفه في قومه أي في هذه المسألة فقط. نعم، dans ce point. لماذا؟ لأن موسى quand il a voyagé, il a désigné son frère Haroun à sa place à la tête de Banu Israël, des enfants d'Israël. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam في غزوة تبوك quand Ali radiallahu anhu il n'a pas participé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a ordonné de rester fil Medina. Et à ce moment, c'est lui qui était le responsable de Medina. Enfin, dans ce point, il a ressemblé à Haroun. Pas dans tous les points. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait un nubuwa. Il a montré clairement qu'il n'y avait pas de prophète. Ba'd. Amr Rawafid, ils ont exagéré, ils ont élevé Ali au-dessus du rang de la prophétie. Et بعضهم أخذهم الله ils l'ont élevé au niveau de الربوبية. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بهؤلاء الفجرة الكفرة. On doit faire attention d'étudier les biographies des compagnons, des imams, des savants sans exagérer. لا إفراط ولا تفريط. On étudie ces biographies en se basant sur des preuves claires du Coran et de la Sunna. Et notre but, c'est d'augmenter notre foi, de connaître la vie et la sira, la biographie de Haoula al-Akhiyar. لماذا لأنهم c'est nos modèles. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. C'est ça le but. أما الغلو, l'exagération et se baser sur des mensonges ou des histoires avec aucun sanad ou avec une chaîne de transmission faible, c'est pas min tariqati ahli al-ilm. Qala rahimahullah, on continue la parole chez Ibn Uthaymeen, amma al-fadl al-akhar fala shak anna afdal hadhihi al-umma ba'd nabiyha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radiyallahu anhum ajma'in. Intaha kalam Ibn Uthaymeen. Na'am, taqaddam ma'ana al-adilla dans les biographies précédentes. كذلك تقدم معنا الإجماع l'unanimité أن le meilleur de cette أمة c'est أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Ce dalil en aucun cas c'est une preuve que Ali c'est le meilleur des compagnons. Même Ali رضي الله تعالى عنه lui-même il reconnaissait فضل هؤلاء الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. On peut citer un exemple من غلو وكذب الرافضة al-zanadiqa, les mensonges qui citaient pour argumenter concernant les mérites de Ali, marawah al-saduq fi amalihi wa nasabahu zulman wa kadiban li nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hada al-kadhab, il a prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qal Ali ibn Abi Talib khayrul bashar wa man aba faqad kafar. هذا لا شك أنه كذب كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية هو موضوع أي سحديث سام منصوج قبح الله من وضعه واختلقه ثم إلى في الدعاء كالله سبحانه وتعالى on le dit celui qui a inventé ce hadith. علي بن أبي طالب خير البشر تأملوا هذا الإطلاق، خير البشر أي علي بن أبي طالب سي لو ميور دي زيتر هومان. Et les êtres humains s'englobent les compagnons, les prophètes, les messagers. هذا سي تفضيل اللي علي على جميع البشر، même le prophète محمد عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا سي كذب. ومن أبى فقد كفر. Encore plus grave, أن celui qui refuse هذا est de reconnaître que Ali c'est le meilleur des hommes, فسي plus un مسلم، سي un كافر. فكما قال ابن كثير رحمه الله أن هذا موضوع سي حديث inventé par هؤلاء الخبثاء أي الروافض. أما شهوده الغزوات أي les batailles avec le prophète صلى الله عليه وسلم que Ali il a assisté. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات جمع أهل التواريخ على شهوده رضي الله عنه بدرا والسائر المشاهد غير تبوك. Selon l'unanimité, أنه il a participé à toutes les batailles sauf تبوك. Et cette bataille Tabouk, Ali, il n'a pas assisté. Pourquoi ? Parce que c'est le prophète Mohammed qui lui a ordonné de rester à Al-Madina. Khalafahu à Al-Madina. C'est devenu, à ce moment, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé, c'était lui le responsable de Al-Madina. Amma Ghazwatu Badr, la première Ghazwa la plus, une des plus importantes, Nasarallahu subhanahu wa ta'ala biha al-Islam wal-Muslimin. وأذل الشرك والمشركين. فقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية شهد علي رضي الله عنه بدرا وكانت له اليد البيضاء فيها بارز يومئذ فغلب وظهر. إلى assisté à بدر. Et تذكرون أنه quand النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu la révélation il avait à peu près 10 ans. ثم les 13 ans à Mecca ça fait 23 ans, ثم الهجرة ثم بدر. Il avait à peu près 24-25 ans, radiyallahu anhu. Shabun, salihun, shuja'. Il a accompli des choses durant cette bataille qui ont marqué l'histoire. Parmi ces choses, annahu baraza. Il a combattu en duel avec un mushrik wa ghalaba wa nasrahu Allah. روى أبو داود وأحمد والبيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال أي durant la bataille de Badr علي رضي الله عنه lui-même il rapporte dans ce hadith authentique قال تقدم عتبة بن ربيعة واتبعه ابنه أي الوليد وأخوه شيبة فنادى من يبارز durant la bataille de Badr. Donc تقدم عتبة ابن ربيعة من صناديد قريش من رؤوس المشركين une des têtes des kafara à cette époque عتبة ابن ربيعة. Et donc il s'est avancé, son fils il l'a suivi, Al-Walid, وهكذا son frère Shayba. Donc عتبة et son frère Shayba et كذلك son fils, le fils de عتبة, Al-Walid. فنادى من يبارز, donc ils étaient trois, il a appelé à un duel et pour combattre. فانتدب له شباب من الأنصار رضي الله عنهم. الأنصار إذا تكونوا كذلك بالشجاعة. فالأنصار et les habitants de Médine quand ils ont entendu هذا النداء, cet appel au combat, directement certains jeunes من الأنصار se sont avancés. فقال من أنتم عتبة. Il leur a dit من أنتم et qui vous êtes. Ils ne les connaissaient pas, c'est des habitants de Médine. Et عتبة, ils sont venus de Mecca. فأخبروه, ils l'ont informé. فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا. Il leur a dit on n'a pas besoin de vous. Et on ne veut pas combattre contre vous. On veut بني عمنا. Et nos proches. Et أهل مكة. خاصة قريش. خاصة la tribu de Quraysh comme Ali, comme Hamza رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم il a entendu هذا المشرك faire cet appel. فقال قم يا حمزة. Il a dit حمزة lève-toi. حمزة l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام. قم يا علي. Il a dit à Ali كذلك de se préparer. وقال قم يا عبيد بن الحارث. Donc ces trois compagnons النبي صلى الله عليه وسلم il les a désignés. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة. Donc حمزة il s'est dirigé vers عتبة وعلي vers Shayba. Il y a un khilaf dans certaines riwayas. Bardohum, ils disent l'inverse. Wa ikhtalafa bayna Ubayda wal Walid darbatan fa athkhana kullu wahid minhumas sahiba. Amma Ubayda et Al-Walid, quand ils ont combattu, enfin, chacun d'eux, il a mis un coup à son adversaire. Enfin, Ubayda, il a été blessé. قال ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة ثم علي et Hamza, ils ont secouru عبيدة. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله قال علي رضي الله عنه فقتل الله تعالى عتبة والشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وجرح عبيدة. أما حمزة فإلى يلدسه إلى تبي عتبة. علي رضي الله تعالى عنه كذلك إلى يلدسه et il a tué Shayba. Fa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum. هذه القصه صححها الامام الالباني في صحيح ابي داود وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله dans دلائل النبوه. اما غزوه خيبر, c'est dans cette غزوه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لا اعطينا الرايه, اي je vais donner le drapeau demain, رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. C'est dans cette bataille que Ali il a été désigné comme celui qui porterait le drapeau. Et ça a été la cause pour que Allah il leur donne la victoire. فأعطاها صلى الله عليه وسلم لعلي. روى الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرج محرب أو مرحب plutôt اليهودي فقال. Il a كذلك il a demandé de se battre en duel. فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فمدح نفسه. هذا اليهودي الخبيث, il s'est mis en avant, il a proposé de combattre en duel et il s'est fait ses propres éloges avec ses vers de poésie. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه lui a répondu أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابة كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندر ثم علي رضي الله عنه أقبل عليه فقتله ثم علي رضي الله عنه يسابخشي ولله الحمد إلا توي. هذه بعض المواقف لهذا الصحابي الجليل. Faute de temps, on peut pas détailler كثيرا. لماذا؟ لأن la biographie de Ali, il y a beaucoup de choses à dire. La période de Mecca, il y a beaucoup de choses à dire. La période de Médine avec le prophète Aïssa al-Salam. Thumma des choses à dire. La période de Abu Bakr, de Umar, de Uthman. Thumma son califat. 4 ou 5 ans. Faléada, on est obligé de résumer. Et Inch'Allah ta'ala, ces points concernant les razawad du prophète Aïssa al-Salam, on les détaillera dans notre prochain cours sur la biographie du prophète Mohammed Aïssa al-Salam. Amma hubbuhu li Abi Bakr wa Umar wa Uthman. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة تواتر عنه أي علي رضي الله عنه beaucoup de hadith, beaucoup de chaînes de transmission authentiques. قال من وجوه كثيرة أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وبذلك أجاب ابنه محمد ابن الحنفية فيما رواه البخاري في صحيحه. نعم الحديث اللي في الصحيح son fils Mohammed ibn al-Hanafiya, il a rapporté hadith qissa anna Ali radiyallahu anhu sur le mimbar de l'Koufa et il a dit clairement anna le meilleur de cette communauté c'est Abu Bakr thumma Umar bien sûr après le prophète alayhi salatu wa salam. Wa an Mohammed ibn Hatib rahimahullah qala sami'tu Ali radiyallahu anhu yakhtub qala inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. قال عثمان منهم. Il a entendu Ali في الخطبة réciter ce verset. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. Ça c'est une bichara عظيمة. Une bichara عظيمة pour les mu'minin. Ils ne rentreront pas en enfer, ils rentreront au paradis. Et Ali il a dit عثمان منهم. عثمان il fait partie de هؤلاء. الحديث رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم dans كتاب السنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر بجمع الطرق الواردة عن علي رضي الله عنه أنه تبرأ من دم عثمان. وهذا تقدم معنا أن ابن عساكر الإمام رحمه الله et d'autres savants, ils ont cité plusieurs narrations, plusieurs hadiths authentiques, clairs, أن علي radiallahu anhu, il s'est désavoué de ceux qui ont tué Uthman. قال وكان يقسم على ذلك في خطبته وغيرها أنه لم يقتله يجرى رضي الله عنه كثيرا أنه il n'a rien à voir avec le meurtre de Uthman. قال ولا أمر بقتله ولا مال ولا رضي به. Il n'a jamais accepté هذا. بل c'était du ظلم. قتلوا خليفة المسلمين. قتلوا ذو النورين. Comme on a vu dans la biographie précédente. قال ولقد نهى عنه أي عن قتله فلم يسمع منه ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القضاء عن كثير من أئمة الحديث ولله الحمد والمنة. فهذا إني أكان دوت. لماذا أنا سيتي هذا هنا أي avant de passer directement au خلافة علي. فعلي رضي الله عنه il a vécu la période de Abu Bakr, il a fait le bay'ah, il a prêté allégeance. Et Abu Bakr, c'était Amir al-Mu'minin. Thumma la même chose pour Omar, thumma la même chose pour Uthman. Fa ihdharu min shubuhat ahl al-rafd wa al-maftounin fi hadha al-bab. Ba'd an-nas, ils ont des doutes à cause de certaines riwayat dha'ifa, des mensonges, un manque de ilm, un manque de tathabbut. Wa yadhunnun ba'dhum, ils ont certaines choubah, qu'anna Ali, il ne s'entendait pas avec Haoula, radiyallahu anhum. Abadan, c'était des frères, mutahabbin, mutanansirin, wa lillahi alhamd. Amma khilafatu Ali, qala al-imam al-Nawawi, rahimahullah, bouya bil khilafa fi masjid rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ba'd qatla Uthman, radiyallahu anhum. Quand Uthman, il a été assassiné injustement, radiyallahu anhum, as-sahaba, ils ont prêté allégeance directement à Ali dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Likawnihi afdal as-sahaba hina idhin wa dhalika fi dhil-hijja sanat 35. Pourquoi? Li'annahu, il n'y avait aucun doute que c'était le meilleur des compagnons après Uthman. Donc après la mort de Uthman, c'est lui qui méritait d'être calife. Ils lui ont prêté allégeance et c'est devenu le calife radiyallahu anhu. Wa dhalika fi dhil-hijja. Tadhkurun anna Uthman, il a été assassiné durant le Hajj, le mois de Dhul-Hijjah. Enfin, Ali, radiallahu anhu, il est devenu calife dans ce même mois. Sanat 35, la 35e année de l'Hijra. Et pour se situer à peu près 25 ans après la mort du prophète, alayhi salatu wasalam. Le prophète, il est mort la 10e ou la 11e année plutôt. Et la 35e année, Ali, c'est devenu le calife. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ولما استقر أمر بيعة علي رضي الله عنه دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منه إقامة الحدود والأخذ بدم عثمان رضي الله عنه. Quand Ali est devenu calife, فدخل عليه طلحة والزبير et d'autres compagnons. Ils ont parlé à Ali رضي الله عنه concernant l'injustice que Uthman il a subie. Et ils ont demandé iqamatu al-had, et que ceux qui ont tué Ali, ils se fassent tuer. Fa'tadhara ilayhim bi anna ha'ula lahum madad wa a'wan wa annahu la yumkinuhu dhalik yawmahu hadha. Lakin Ali radiyallahu anhu, il leur a montré anna ha'ula al-an, ils sont nombreux, ils se sont retranchés dans certaines régions et ils ont beaucoup d'ansar, ils ont beaucoup de gens qui les aident. Il leur a montré anna à ce moment Il ne pouvait pas. Enfin, il leur a demandé du temps. On va citer des points très résumés sur ce qui s'est passé via هذا الوقت sans rentrer dans les détails. Imad Ali en a rentré dans les détails via هذا, c'est pas min madhab ahli sunnah. Abadan. Comme min al-nas, ils sont rentrés via هذه الأمور et ils ont penché dans un côté ou un autre et ils ont été injustes envers les autres. واحد نبه بارك الله فيه انا سي جي دي ceux qui ont tué Ali là ceux qui ont tué Uthman. Enfin le tambih qu'on faisait la remarque ان في هذا الباب on doit revenir aux paroles des savants de la sunna et ne pas rentrer dans les détails. اهل السير من ائمه السنه ils ont cité certains points. قال ابو محمد ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والاهواء والنحل واما أم المؤمنين والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومن كان معهم فما أبطل قط إمامة علي رضي الله عنه ولا طعن فيها. Ça c'est un point essentiel pour comprendre. أن ce qu'il s'est passé بين أم المؤمنين والزبير وطلحة et Ali رضي الله عنه en aucun cas ils ont remis en question le rôle et l'importance de Ali. أنه c'était lui le calife, c'était lui le gouverneur. أبدا. Ils ne l'ont jamais critiqué في هذا. Ils n'ont jamais demandé cette place. Là, contrairement à ce que certains ignorants pensent. قال فإذا لا شك في كل هذا فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة بحرب أو لحرب علي رضي الله عنه. كذلك كانت عائشة الزبير طلحة ils ont quitté Al-Madina pour se rendre à Al-Basra en Irak. En aucun cas رضي الله عنهم c'était pour combattre علي. Deuxième point important. ثم قال فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق أي الخلاف. Vu que la Ummah elle a commencé à se diviser. عائشة رضي الله عنها وهكذا الطلحة والزبير ils se sont déplacés pour conseiller, pour essayer de rassembler, pour pas que les sahaba se divisent. C'était ça leur intention. قال لسد الفتق في نعم الحاصل في الإسلام من نعم أو الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلما ولم يكن نهوض علي رضي الله عنه إلى البصرة لقتالهم كذلك علي لتعال الكوفة et quand il les a rejoint à البصرة en aucun cas c'était pour les combattre أبدا قال لكن موافقا لهم على ذلك ليقوى بهم وتجتمع الكلمة على قتلة عثمان رضي الله عنه بل علي les a rejoint pour qu'ils se rassemblent tous et كما قال وتجتمع الكلمة أي pour que leurs paroles elles s'unissent contre ceux qui ont tué عثمان من الخوارج injustement قال وبرهان ذلك la preuve قال أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا. Et ça, c'est un point important, essentiel. Wahada, c'est sahih, c'est ma'ouf dans l'histoire de cette partie de l'histoire. Anahum, ils se sont rencontrés dans cet endroit, à côté de l'Basra. Et Abadan, ils se sont combattus au départ. Bel, ijtama'u, ils se sont rassemblés et ils ont parlé, etc. Qala falamma kana al-layl, a'arafa qatalatu Uthman radiyallahu anhu, al-iraga wa-tadbir alayhim. فبيتوا عسكر نعم فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم vu que الخوارج qui était présent il s'infiltrait dans les troupes de Ali ou de Aisha رضي الله عنهم أجمعين et les gens ils savaient pas que c'était eux vu qu'il y avait beaucoup de gens quand ils ont vu هذا الاجتماع. Et ça, c'est bien صفات المنافقين عيادا بالله. Quand ils ont vu la umma, رؤوس الصحابة رضي الله عنهم, أنهم ils se mettent d'accord, ils se rassemblent, ils essayent de trouver une solution, ils ont su que les cibles, ça serait eux. Ils ont su que les صحابة, s'ils se rassemblaient, ils allaient combattre الخوارج. Qu'est-ce qu'ils ont fait الخوارج qui était présent? قال فلما كان الليل عرف قتلت عثمان رضي الله عنه الإغارة والتدبير عليهم ils ont su que si ça reste comme ça ça allait être contre eux قال فأبيتوا عسكر طلحة والزبير رضي الله عنهم وبدلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont attaqué le groupe de طلحة والزبير en pleine nuit les troupes de طلحة والزبير se sont défendus فبدأ الحرب le combat il a commencé قال فرودعوا حتى خالطوا عسكر علي رضي الله عنه فدفع أهله عن أنفسهم ثم les combats quand ils ont commencé du côté de Talha et Zubair les combats ils se sont déplacés jusqu'aux troupes de Ali les troupes de Ali ils se sont défendus قال رحمه الله وكل طائفة تظن ولا تشك أن الأخرى بدأتها بالقتال à cause de هؤلاء المفتونون الأشرار Le groupe de Ali pensait qu'ils avaient été attaqués par les autres et le groupe de Talha et Zubair ils ont pensé qu'ils ont été attaqués par les autres. فاختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه. Vu que vu que les troupes elles se sont mélangées, le combat il a commencé, enfin, chacun essaye de se défendre. والفسقه من قتله عثمان رضي الله عنه لعنهم الله لا يفترون من شب الحرب واضرامها. Et au milieu de ces combats et de cette incompréhension, enfin, al-Khawarij qatalat Uthman, ils ont profité pour attaquer ses troupes et les autres. حتى اشتعل نار الحرب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصحابة رضي الله عنهم. قال في كلتا الطائفتين مصيبة في غرضها. Ça c'est un autre point important. أن les deux groupes, le groupe de Ali et l'autre groupe de Talha et Zubayr et de Aisha رضي الله عنهم, les deux ils avaient là الحق dans ça. Les deux ils se sont défendus et aucun blâme sur eux. قال ومقصدها مدافعة عن نفسها ورجع الزبير وترك الحرب بحالها. Quand ils ont commencé à s'apercevoir de ce qu'il se passait, الزبير s'est retiré. وأتى طلحة رضي الله عنه سهم غائر وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط. Et كذلك durant ce moment de confusion, طلحة il a été blessé, il a reçu une flèche. قال فانصرف ومات في وقته رضي الله عنه. ثم طلحة الصحابي الجليل إلى succombé de ses blessures رضي الله عنه. وقتل الزبير بوادي السباع. ثم الزبير رضي الله عنه il s'est retiré et il est parti dans un endroit assez loin, et quand il a voulu se reposer, un de Haoula ils l'ont suivi وقتلوه, et ils l'ont tué. فهكذا كان الأمر هكذا قال Ibn Hazm, rahmatullah alayh. Ça, c'est concernant donc Waqatu al-Jamal, al-Ulama, il l'appelle. Aisha, radiyallahu anha, durant ses combats, elle était sur son chameau. Donc, l'Ulama, ils l'ont appelé Waqatu al-Jamal. Amma Waqatu Siffin, faqala Abu Muhammad ibn Hazm, toujours dans le même livre, rahimahullah, wa amma amr Muawiyah. Fabikhilaf dhalik, wa lam yuqatilhu ali l'imtina'ihi min bay'ah, li'annahu kana. إلى نختصر قال ولم يفكر معاوية أو ولم ينكر معاوية رضي الله عنه فضل علي ورضي الله عنه واستحقاقه الخلافة لكن اجتهاده أدى إلى أن رأى تقدم القود أي القصاص من قتلة عثمان. معاوية كذلك رضي الله عنه إن جامي غمي أن كستيون لو كاليف علي رضي الله عنه أن تانك كاليفة أبدا أن تانك خليفة لا بل معاوية رضي الله عنه اجتهد et il a demandé que ceux qui ont assassiné Uthman ils soient كذلك tués. قال ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان رضي الله عنه. Pourquoi? لأن معاوية faisait partie de la famille de Uthman من بني أمية. Ils avaient le même أصل. فلهذا معاوية رضي الله عنه vu que c'était un proche de Uthman et il avait un حق كما جاء في القرآن de demander que ceux qui ont tué son proche Uthman, annahum qu'ils soient exécutés à leur tour. Thumma hasal ma hasal. Et huna on répète mawqif ahl sunnah min hadhihi al hurub. Fantabihu li kalam haula al a'imma. Umar ibn Abd al Aziz rahmatullah alayhi qala an qital ahl as-siffin. Et les combats qu'il y a eu entre les troupes de Ali radiyallahu anhu, Amir al-Mu'minin, c'était lui le gouverneur, et les troupes de Muawiyah qui étaient fi Sham. Qala Umar ibn Abd al-Aziz, tilka dima'un kaffallahu anha yadayya la urid an ulattikh biha lisani. Hakada kalam al-a'imma, kalam al-uqala, kalam al-ulama, annahu qala tilka dima'un kaffallahu anha yadayya. Hey, je n'ai pas assisté à cette guerre. Je n'ai pas fait couler de sang. On m'a pas fait couler mon sang. Il a dit, j'ai pas envie de souiller ma langue en critiquant tel compagnon ou tel compagnon. Akhrajahu ibn Abd al-Barr fi Jami' Bayan al-'Ilm. Fanahnu hakada. Nahnu on doit avoir cette position. Ihmadillah 'ala as-salama. Et n'oublie pas قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. En tant que mu'min fais du'a pour tes frères. En tant que mu'min fais du'a pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que mu'min tu ne dois pas avoir un mauvais soupçon. On ne parle même pas de aqida contre les compagnons. Iyadam billah. Un mauvais soupçon contre un compagnon, on ne doit pas l'avoir. الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال ومذهب أهل السنة والجماعة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم. إحسان الظن doit avoir un bon soupçon envers tous les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم والإمساك عما شجر بينهم. Et on doit retenir notre langue. أما comme on disait il y a quelques instants البعض والله نشر عن واحد واحد un مسلم qui vivait en France. Ils ont propagé. Il est rentré dans cette... Il voulait étudier cette partie de l'histoire. Et ce qu'il s'est passé entre Ali et Muawiyah, radiyallahu anhum, et les combats qu'il y a eu à cette époque, etc. À cause de l'ignorance. Wallahu a'lam an-niyya. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît les intentions. Et kadhalik les mauvaises sources. Encore plus à notre époque avec Internet. Ihdharu. Ça va très très vite à notre époque. Écrire dans les moteurs de recherche Al-Harm entre Ali et Muawiyah, tu vas voir beaucoup de choses. Et si l'insan n'a pas étudié l'ilm et il ne connaît pas Manhaj al-Sunnah que l'imam Nawawi cite Huna, dans ce point, il peut s'égarer. Ce frère de France qui a voulu étudier en détail cette partie de l'histoire, ces combats qu'il y a eu à ce moment, Anahu s'est devenu un rafidi quh. الآن إلى أنسلت عائشة وطلحة والزبير بل إلى أنسلت أبو بكر وعمر رافضي رافضي خبيث لماذا؟ لأنه إلى اتجي ست بختي إلى اتي convaincu أن معاوية إلى اتي انجست عيدا بالله وهكذا إلى أكزي عائشة وهكذا الآن إلى أكز أبو بكر وعمر رافضي لأن الرافضة يبخفت pour propager leur مذهب خبيث de cette partie de l'histoire de التاريخ. فاحذروا. On fait attention. L'insan, fais attention. Al-Fudul. Mets tes efforts sur l'ilm. Mets tes forces. Apprends ta aqida. Et si tu apprends ta aqida, tu auras une base solide concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kulluhum udul. Et man ta'ana fihim, celui qui les critique ou qui critique un compagnon, c'est un dhalim, un harif. Mais celui qui critique Aïcha, qui l'accuse et qui grand mécréant Abu Bakr ou Omar ou Uthman, n'ait aucun doute que c'est un kafir mujrim. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وتأويل قتالهم أنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض دنيا بل اعتقد كل فريق أنه الحق أنه المحق ومخالفه باغي. سسمع اعتقد أهل السنة أن معاوية أو علي رضي الله عنهم إذا تتوس مجتهدون. Ils ont tous fait un effort pour la vérité. Ils n'ont pas combattu pour Adunia Abadan. Bel, ce qui s'est passé, chacun a essayé de secourir le haq. Et il s'est passé ce qui s'est passé. قال فوجب علي قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه الاجتهاد. Ceux qui ont eu raison. Ils ont eu raison. Ça y est, il n'y a aucun doute. Celui qui avait le haq, c'était Ali, radiyallahu anhu. Et ceux qui se sont trompés, ils ont une récompense. لماذا لأنهم ils étaient مجتهد في هذا الباب. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. Ils sont récompensés pour leur اجتهاد et ils sont excusés pour leur erreur. لماذا لأنهم ils ont fait un اجتهاد et كذلك لماذا لأنهم ils avaient d'énormes حسنات. Talha et Zubair, ils font partie de Al-Mubashsharun بالجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a annoncé le Jannah, ils étaient vivants. Aïcha radiyallahu anha, c'est l'épouse du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fi dunya wal akhira. Ici va et dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Fa ihadhar hadha al-lisan. Kam min an-nas zallu. Combien de personnes ils ont glissé fi hadha al-bab al-khatir. À cause de leur langue et à cause de leur curiosité et de leur ignorance. Cette partie de l'histoire, on n'est pas des journalistes, nous. Les journalistes, ils rentrent dans des choses, là, il y a tête de bâton, ils propagent, etc. Nous, c'est une aqida. Une aqida de mu'min. Et cette partie de l'histoire, c'est sur les compagnons, radiyallahu anhum. Enfin, tu dois avoir le comportement أهل السنة في هذا الباب. قال: والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. المجتهد من أئمة الملة والأمة. quand il fait un effort d'interprétation et il se trompe, il n'a pas de péché. بل il a une récompense pour son اجتهاد. et on a cité الحديث. روى الإمام مسلم, انتهى كلام النووي. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. تأملوا هذا الحديث, فيه معجزة, دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a informé: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. Un groupe il va sortir quand il y aura une division dans la communauté. Aïe, dans la communauté du prophète صلى الله عليه وسلم. Un groupe il va sortir. قال يقتلها أولى الطائفتين بالحق. Et un des deux groupes qui combattra ce groupe égaré, c'est ce groupe qui sera sur la vérité. قال الإمام النووي رحمه الله هذه الروايات الصحيحة في أن عليا رضي الله عنه كان هو المصيب المحق. هذا c'est كلام كثير من أهل العلم. On répète, تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. Cette division qu'il y a eu entre Ali رضي الله عنه et معاوية رضي الله عنه, un groupe, il est sorti, Al-Khawarij. Celui qui a combattu ce groupe, c'est lui qui avait la vérité. Qui sait qui a combattu le Khawarij à cette époque? C'est Ali, radiyallahu anhu. Falihada l'imam al-Nawawi, Cheikh al-Islam al-Taymiya, et Jumhur al-Ilm, ils disent que Al-Musib, il n'y a aucun doute, c'était Ali, radiyallahu anhu. Lakin, est-ce que ça nous pousse à critiquer les autres compagnons? Abadan, mujtahidoun, ils voulaient le haqq. Et alhamdoulilah, ils sont récompensés pour leur effort. On bascule à un autre point pour finir. Qital Ali lil Khawarij, radiyallahu anhu. Après ce point qu'on vient de citer, ma yata'allaq bi Ali wa Muawiyah radiyallahu anhum ajma'in, Ibn Abi Shayba rahimahullah, il a rapporté fi al-Musannaf an Abi Zarin, قال لما كانت الحكومة بالصفين وبان الخوارج عليا رجعوا مباهنين له. Quand الصحابة رضي الله عنهم ils ont décidé d'essayer de se réconcilier, de juger avec le Coran ou le Sunna pour voir qui c'est qui a raison, et معاوية il a accepté, Ali il a accepté رضي الله عنهم أجمعين, et ça montre que leur but c'était الحق. Al-Khawarij, qui était présent dans les troupes de Ali, ils n'ont pas accepté ça. Bel, ils ont accusé Ali. قال وهم في عسكر علي رضي الله تعالى عنه حتى دخل الكوفة مع الناس بعسكره ومضوا هم إلى حرورة في عسكرهم فبعث علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما فكلمهم. Quand ils sont revenus à Al-Kufa, لأن علي s'était déplacé en direction du Sham. Thumma il y a eu la bataille de Siffin. Thumma Ali est revenu en Irak, Al-Kufa. Quand ils sont revenus à Al-Kufa, tous les Khawarij qui étaient présents, ils se sont retranchés dans un endroit qui s'appelle Haroura. Et ils ont kuffar Ali. Ils ont dit à Ali: pourquoi tu acceptes de te réconcilier avec Muawiyah et tu délaisses le Coran et tu délaisses la Sunna? Wa kuffaru ayyadan billah. في مسند الإمام أحمد رحمه الله فرجع منهم 4000 كلهم تائب ثم علي l'a envoyé son cousin Abdullah ibn Abbas pour raisonner, conseiller هؤلاء الخوارج. فالإمام أحمد il a rapporté que 4000 ils ont fait tawbah, ils sont revenus avec ibn Abbas. في مستدرك الحاكم ibn Abbas رضي الله عنه قال فرجع من القوم 2000, dans une autre riwaya 2000 qui ont fait tawbah. وقتل سائرهم على ضلالة. نعم بعد ذلك علي رضي الله عنه قتل الخوارج. Pourquoi? لأنهم quand ils se sont retranchés à Haroura, ils ont commencé à agresser les musulmans, à rendre kuffar les musulmans. Ils ont commencé par Ali. Pour eux, il n'a pas jugé avec le Coran. لماذا? لأنه il a voulu se réconcilier et arranger les choses avec Muawiyah. فكفروه. Et من إجرامهم, et ça a été une des causes. Par la suite, Ali les a combattus. أنهم قتلوا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب وبقروا بطن أهله رضي الله عنهم أجمعين. Ils ont tué Abdullah ibn Khabbab, sahabi al-jalil, un compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il était avec son épouse radiyallahu anha, elle était enceinte, ils l'ont tué et ils ont ouvert son ventre. Anduru al-bid'a wa al-dhalal. Anduru al-inhiraf. Et on en peut faire le lien avec Hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Vous connaissez dans tous le Hadith, walaw bil ma'na al-qissa. Quand Qawm fil Irak, en Irak, un Qawm, ils ont commencé à inventer une façon de faire dhikr. Et Abu Moussa al-Aj'ari, radiyallahu anhu, il les a vus. Lakin, il n'a pas parlé. Ça montre le comportement à avoir. Limada li'annahu, il est revenu à Ibn Mas'ud. C'était celui qui avait le plus de ilm à cette époque, dans cette région. Et il lui a raconté, anna Qawm, fille Majid Bani Hanifa, ils se rassemblent et Wahadi se lève, il dit Kabbiru mi'a. Ils prennent des cailloux, ils disent tous Allahu Akbar. Ils ont inventé, innové cette façon de faire du dhikr. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il est parti les voir. Et il les a conseillés. Celui qui a rapporté le hadith, قال, Wallahi, il a juré, anna ghalib ha'oula, ghalib ha'oula, ils se sont retrouvés avec le Khawarij qui ont combattu Ali, fi ma'rakati an-Nahrawan. L'insan il délaisse le haq au départ. Il ne fait pas des efforts pour suivre la vérité, pour suivre sunnah. Il n'accepte pas le haq, il n'accepte pas le conseil. Son intention, elle change. Et il y a dans Billah, ça peut ouvrir des portes d'égarement graves. Ha'oula l'un, ils combattent ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala l'imam al-Zahabi rahimahullah. Wa fiha, et concernant la sanat 38, la 38e année de l'Hijra. Trois ans après la mort de Uthman, صارت الخوارج لحرب علي رضي الله عنه فكانت بينهم وقعة النهروان وكان على الخوارج عبد الله بن وهب فهزمهم علي وقتل أكثرهم وقتل ابن وهب. ثم quand ils ont tué عبد الله بن خباب, ils ont rendu كفار المسلمين. Ils ont semé la corruption. Ali les a attaqués. Wallahi alhamd, il a tué leur chef Abdullah ibn Wahb et la plupart d'entre eux. Fi sahihayn an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala baynama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqsimu qasman. Qissat Dhul Khuwaysra. Quand an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam marra, il a reçu le butin de guerre et al-jihad et Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme d'habitude, il donnait à certains temps de chameau, à certains beaucoup plus, à d'autres moins. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par la révélation. Et il sait pourquoi il donnait plus à lui et moins à d'autres. Fadhul Khuwaysra, qala ya Rasulallah, i'dil. Et sois juste. Ça nous montre un autre point. Anna fitnat ha'oula al-khawarij, elle a commencé à cause de dunya. Il a osé critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, remettre en cause sa justice et à délai, soit juste, à cause de dunya. Limada li'annahu, il n'a pas reçu ce qu'il voulait, hada al-khariji. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, waylak, wa man y'adil, idlam u'adil, ou idlam a'adil. Et qui c'est qui va être juste si je ne suis pas juste? Afdalul bashar alayhi salatu wa sallam, le meilleur des êtres humains. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن له أصحاب ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre le khawarij. Ça c'est un dalil كذلك sur les mises en garde. انه quand il y a un char خاصة au départ فالعلماء وطلبة العلم ils doivent combattre هذا الشر au départ. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a mis en garde. Et vous allez voir que cette mise en garde elle a beaucoup profité à Ali et aux autres compagnons رضي الله عنهم. فقال فإن له أصحاب. Et cet homme, un hypocrite d'Ul Khuwaysra. Cet homme, il aura des suiveurs. قال يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Vous allez minimiser votre salat par rapport à leur salat. Votre siyam, votre jeûne par rapport à leur jeûne. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils ont apporté un haoula, anhum, c'était de umbad, ils faisaient beaucoup d'efforts dans l'adoration. Un autre point important, on a les efforts de l'adoration, dans l'adoration. Sans suivre les compagnons, radiyallahu anhum, ça peut pousser à l'égarement. Tu as un exemple avec Al-Khawarij, tu as un exemple avec Sufiya. Et tu as un exemple avec Al-Rawafid. Même s'ils font certaines adorations, lakin ils ont délaissé هذا المنهج, La voix des compagnons, radiyallahu anhum, ils se sont écarés. Voilà où ils faisaient beaucoup de salat, voilà où ils faisaient beaucoup de siyam. Qala alayhi salatu wassalam, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Ayatuhum. Thumma an-nabi sallallahu alayhi wasallam, il a cité comment les reconnaître. Ayatuhum. Et vous les reconnaîtrez. Rajulun aswad. Un homme noir. Ihda a'udayhi mithla thadi al-mar'a. Et un de ses bras, il a un problème. Il a une illa dans un de ses bras. Un défaut physique. يخرجون على حين فرقة من الناس. Et ils sortiront, et cet homme noir avec ce problème au bras, quand il y aura de la division dans ma communauté. قال أبو سعيد رضي الله عنه. Celui qui a rapporté, celui qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ce hadith. قال فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a témoigné أنه il a vraiment entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ashhadu, et témoigne كذلك, il a témoigné radiyallahu anhu, an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qatalahum wa ana ma'ah. Ay, on les a combattu avec Ali. Fa amara bidhalik ar-rajul. Ja'a fi riwaya an Ali radiyallahu anhu, quand il les a combattus, il y avait des cadavres un peu partout et il recherchait cet homme. Al yaqin, il était sûr annahu il a combattu al-Khawarij, il était sûr qu'il avait le haqq radiyallahu anhu. Fa il a recherché cet homme. Et Huna Ja'a Faraj, l'un des compagnons dont Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il connaissait cette riwaya. Et il savait très bien que si cet homme il était retrouvé, ça montre que Ali il avait al-haq. Et ha'oula c'était des khawarij. Dans une riwaya, Ali radiyallahu anhu, il cherchait dans les cadavres, hatta wajada, jusqu'à ce qu'il l'a trouvé. Abu Sa'id il a témoigné, qala, فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته أبو سعيد رضي الله عنه quand Ali là il leur a montré le cadavre de cet homme noir que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a décrit avec ce défaut physique dans un de ses bras, Ali Abu Sa'id رضي الله عنه il a vu exactement ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a décrit. فنصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. بعد ذلك un autre groupe est sorti, une autre fitna. L'imam al-Bukhari rahimahullah, il a rapporté un Ikrima qala utiya Ali radiyallahu anhu bi zanadiqa fa ahraqahum. كذلك cette période après le combat de al-Khawarij, un autre groupe est sorti et ils sont venus à la rencontre de Ali min al-Hunud, ça avait des origines d'Inde. Ils ont cru que iyadan billah que Ali c'était al-ilah. Et bien, ils lui ont dit clairement, c'est toi Al-Ilah, et c'est toi Rabb. Na'oud Billah, c'est très très grave. Et le créateur, celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Ils ont donné ces caractéristiques, hadin awsaf li Ali. Fa nasahahum, il les a conseillés. Ils n'ont pas voulu écouter. Fa ahraqahum. Kama ja'a fi al-Bukhari, il les a brûlés. Il a creusé des tranchées et il a ordonné de les brûler. Fa balagha dhalik ibn Abbas radiyallahu an. Fa qala law kuntu ana lam uhriqhum. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذب بعذاب الله. Ibn Abbas رضي الله عنه, quand il a été informé de هذا, il a dit, si ça serait moi, je ne les aurais pas brûlés. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذب بعذاب الله. Ne châtiez pas avec le châtiment d'Allah. Ça montre أن الإنسان مهما بلغ le rang de Ali, أنه أمير المؤمنين, le quatrième calife, le mari de Fatima, le cousin du prophète عليه الصلاة والسلام, مع هذا il se peut qu'un hadith il n'avait pas connaissance. Voilà, chacun il n'avait pas connaissance de ce hadith. Wa illa il ne les aurait pas brûlés. Ça nous montre l'importance de revenir à l'hujja. Ça nous montre l'importance kadhalik de trouver des excuses à ahlul ilm. Rabbama yukhalifun as-sawab. Ils contredisent la vérité dans un point. Si c'est un savant de la sunna, encore plus un compagnon radiyallahu anhum ajma'in, n'ait aucun doute annahu, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Abadan. Falihada, quand Ali radiyallahu anhu ils lui ont informé de la parole d'Ibn Abbas, il a dit sadaq, il a dit vrai. Pourquoi l'Ibn Abbas il a cité un dalil? Ça nous montre un dalil, il est fawq al-jami'. Al-haq, ça passe avant tout le monde. Pourquoi? Parce que al-haq, c'est la parole d'Allah ou la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Thumma qala Ibn Abbas, wa la qataltuhum li qawl rasulillahi sallallahu alayhi wasallam man badala dinahu faqtuluhu. Ibn Abbas il a dit, ça serait moi, je ne les aurais pas brûlés, lakin je les aurais tués. Lian le prophète sallallahu alayhi wasallam qala man badala dinahu faqtuluhu. Celui qui change de religion, fait tuez-le. Ça c'est hukmullah wa hukm rasulihi alayhi salatu wassalam. Bien sûr avec des dawabit, ça revient au gouverneur, etc. Et vu que Ali, c'était le gouverneur, c'est lui qui appliquait ces sentences. Amma sa mort, radiyallahu anhu, farawa al-imam Ahmed, an Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم او الا احدثكما البروفيسور صلى الله عليه وسلم يبارلي علي وعمر رضي الله عنهما ابي اشقى رجلين الى جاء علي وعمر est-ce que vous voulez que je vous informe les hommes les deux pires hommes اشقى رجلين ceux qui ont eu une fin très très grave et deux hommes قلنا بلى يا رسول الله. Ils ont dit, bien sûr, ya Rasulallah. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, Uhaymiru Thamud, alladhi aqara an-naqa. Le premier homme, annahu il a une mauvaise fin, ayyadam billah. C'est cet homme de Thamud qui a tué an-naqa. Et la chamelle, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a interdit d'approcher la chamelle. Et wahed min al-ashqiya, volontairement il a tué la chamelle. Al-qissa li fi al-Qur'an ma'rouf. Ça, c'est le premier. Le deuxième, « قَالَ وَالَّذِي يَضْرِبُكْ يَا عَلِي عَلَى هَذِهِ يَعْنِي قَرْنَهُ حَتَّى تُبَلْ مِنْهُ هَذِهِ يَعْنِي لِحْيَتَهُ » Thomas, il a dit, le deuxième, celui qui te frappera, ya Ali. Il te frappera à la tête et le sang, il coulera et ça remplira ta barbe de sang. Il a annoncé à Ali, radiyallahu anhu, « il se fera tuer. » Et dans l'autre hadith, « Tathkurun », quand ils sont montés sur Hira, et il a dit Anna, il n'y a qu'un prophète, un véridique Abu Bakr et des martyrs. Et tous ceux que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cités, ils sont morts martyrs. Uthman, Ali, Talha et Zubayr, les quatre, ils ont été tués injustement. Radiyallahu anhum. Al-Hadith, donc, il est fi Musnad al-Imam Ahmed et il est sahih. Wa kadhalik rawa al-Imam Abdul Razzaq al-Sun'ani dans son Musnad an Abida, qala sami'tu Ali radiyallahu anhu يخطب يقول اللهم قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني. Il a rapporté هذا التابعي أنه il a entendu Ali رضي الله عنه comme il a rapporté l'imam al-Zahabi كذلك الحافظ ابن كثير أن après toutes ces années Ali رضي الله عنه il a espéré la mort mais avec toutes ces fitnes et ça l'a fatigué radiyallahu anhu fa qala hadha al kalam thumma qala faman yamna ashqahum an yakhdhibaha bidam wa wada'a yadahu ala lihiyatihi radiyallahu anhu thumma ali radiyallahu anhu il a dit qu'est-ce qu'il attend hadha al shaqi et cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a annoncé qu'il allait me frapper à la tête qu'est-ce qu'il attend pour me frapper hatta il me remplit cette barbe et il a montré cette barbe de sang radiyallahu anhu et ulama al tarikh wa al sir. Les savants qui ont rapporté la biographie et le tarikh, l'histoire de cette umma, ils ont rapporté Ibn Jarir, Ibn Sa'd et d'autres, كذلك الحافظ Ibn Kathir dans Al-Bidayah wa Al-Nihaya, et beaucoup de savants qui ont traité l'histoire, ils ont rapporté qissat maqtal Ali, radiyallahu anhu, comment Ali a été tué. فَقَالُوا أَنَّ ثَلَاثَةً مِنَ الْخَوَارِجِ Toujours هَؤُلَا. Vous remarquerez que le cancer de cette communauté, c'est ces deux groupes. Al-Khawarij ou Al-Rawafid. Bien sûr, les autres groupes égarés, كذلك, Al-Sufiya, Al-Mu'tazila, Al-Murji'a, etc. Lakin, ces deux groupes, Al-Khawarij ou Al-Rawafid, ils ont fait couler beaucoup de sang. En commençant par Uthman, radiyallahu anhu, et jusqu'à aujourd'hui. Fa-thalath min Al-Khawarij, trois hommes parmi les Khawarij, Abdurrahman ibn Muljim, وبعضهم يقولون ibn Muljim, والبرك ibn Abdullah التميمي وعمر ibn Bukayr التميمي اجتمعوا بمكة. Ils se sont retrouvés à Mecca, هؤلاء الثلاث, فذكروا قتل علي لإخوانهم الخوارج من أهل النهروان. Ils ont commencé à parler de ce qui s'est passé à النهروان, أن علي a combattu leur frère الخوارج. Et ils ont cherché un moyen pour se venger. فَتَعَاهَدُوا وَتَعَاقَدُوا لَيَقْتُلَنَّ هَؤُلَا الثَّلَاثَ. Donc, ils ont pris l'engagement. أَنَّهُمْ Ils vont tuer ces trois compagnons. Ali ibn Abi Talib, Muawiya ibn Abi Sufyan et Amr ibn al-As. Ça nous montre quoi? Un point important كذلك. أَنَّ الْخَوَارِجُ وَهَكَذَا الْرَوَافِدُ ils ne sont pas satisfaits de la voix des compagnons. Certains, ils essayent de mentir, de faire croire à Nahum, ils étaient avec Kada, avec lui, avec un tel. Wallahi, c'est du kadhib, ils sont avec le Hawa. C'est pour ça que le Khawarij, ils ont voulu se débarrasser de Ru'us al-Sahaba à cette époque. Ali, Muawiyah et Amr. فقال عبد الرحمن بن ملجم انا لكم بعلي بن ابي طالب وقال البرك انا لكم بمعاويه وقال عمرو انا اكفيكم عمرو بن العاص. Donc chacun ils ont choisi. عبد الرحمن بن ملجم il a décidé de se rendre en Irak à Koufa pour tuer Ali. فابن ملجم صار الى الكوفه فدخلها ولقي الشبيب بن بجره فاعلمه ما يريد ودعاه الى ان يكون معه. Il restait quelques khawarij encore هناك. Ali, il a tué la plupart, lakin il restait encore certains. Et ils en voulaient énormément à Ali, par rapport à ce qu'il a fait à leur frère, min al-Khawarij. Fa'ajabahu ila dhalik. Donc, Shabib ibn Bajarah, il a répondu à l'appel de Abdurrahman ibn Muljim. Il l'a informé, il est venu pour tuer Ali. Falamma kharaj Ali radiyallahu anhu, fi salat al-fajr. Il savait par quelle porte Ali il sortait de chez lui pour se rendre à salat al-fajr, et c'était lui l'imam. C'était le gouverneur et c'était l'imam fi salat. Fait ils l'ont attendu عند الباب. Et اعترضه الرجلان فثار الشبيب فضربه فوقع في الطاق. الشبيب il a surgi, il a frappé Ali avec son sabre. فضربه ابن ملجم ثم ابن ملجم الشقي. Et il s'est approché كذلك فضربه بالسيف على قرنه. ثم ابن ملجم il a frappé Ali avec son sabre sur la tête. Comme il a informé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fasala damuhu ala lihiyatihi radiyallahu anhu. Et son sang, il a commencé à couler sur sa barbe. Famakatha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yawm al-jumu'ah. Wa laylat al-sabt. Wa tuwfiya radiyallahu anhu wa rahimahullah. Laylat al-ahad min shahr ramadan. Donc, il est resté vivant, blessé le vendredi. Thumma le samedi et dimanche. انظروا لموا دو رمضان امير المؤمنين لو كوزان دو بروفيسور صلى الله عليه وسلم لو ماري دو فاطمه رضي الله عنه لو بير دو الحسن والحسين ان دي بروميير كي سي كونفيرتي ان اسلام الى اسيستي ا توت لي باتاي اي مع تو لي حديث كو البروفيسور صلى الله عليه وسلم الى سيتي اون ا سيتي سيرتان ميريت مع هذا ايلون توي اي كذلك ايزون با ريسبكتي ميم لو موا شهر الله العظيم رمضان. فنعوذ بالله من الضلال. ثم بعد ذلك روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنه إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أبوخته أنه إلى أنتنجو النبي صلى الله عليه وسلم. Et il était sur le mimbar. Et il y avait Al-Hassan ibn Ali à côté de lui. Le fils de Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu anhum ajma'in. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il regardait Al-Hassan et il regardait les autres compagnons. Thumma qala alayhi sallatu wa sallam, inna bni hadha sayyid. Wa la'alla allahu an yusliha baynahu bayna fi'attain azimatain minal muslimin. Il leur a dit, hadha al-ibn, mon petit-fils, hadha c'est un sayyid. Il a un énorme rang. Et dans l'autre hadith, il a informé que Al-Hassan al-Hussein, c'était Sayyida Shabab al-Jannah. C'était les princes des jeunes au paradis. Ah, là, c'est min Ahl al-Bayt, ils ont un fadl azim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que cet enfant, Al-Hassan, ça va être la cause qu'il va réconcilier entre deux groupes min al-Muslimin. Kadhalik, ce hadith, c'est un rad ala al-Khawarij wa al-Rawafid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas critiqué le groupe de Ali ou le groupe de Muawiyah, abadan. Il les a appelés les deux muslimines, deux groupes de muslimines, et Al-Hassan il va réconcilier. Et ça montre que s'il aurait fallu combattre un des deux groupes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait jamais dit hada. Parce que ça nous montre que ma fa'alahu Al-Hassan, comme a dit l'imam ibn al-Imad al-Hanbali rahimahullah dans Shadarat al-Dhahab, sara amir al-mu'minin l'Hassan ibn Ali radiyallahu anhu bi juyushihi nahu al-Sham. Quand Ali il est mort radiyallahu anhu, les gens, ils ont fait le bay'a beaucoup à Al-Hassan, son fils. Donc, Al-Hassan, il s'est dirigé en direction de Sham. Et la région gouvernée par Muawiyah. وَصَارَ مُعَوِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِجُيُوشِهِ فَالْتَقَوْ بِنَاحِيَةِ الْأَنْبَارِ. Dans cet endroit. Ils se sont retrouvés dans cet endroit. les troupes de Muawiyah et les troupes de Al-Hassan ibn Ali. فوفق الله الحسن فحقن الدماء المسلمين وترك الأمر لمعاوية رضي الله عنه كما هو مقرر في صحيح البخاري. أي le hadith qu'on vient de lire. Il l'a mis en application. Donc il s'est dirigé en direction de Sham et Muawiyah il l'a rejoint. Et quand ils se sont retrouvés, Al-Hassan ibn Ali رضي الله عنه, il a prêté allégeance à Muawiyah et il s'est retiré. قال رحمه الله ولما تم الصلح بشروطه برز الحسن بين الصفين وقال. Quand ils se sont mis d'accord, وتنازل رضي الله عنه الحسن. الحسن il n'a pas accepté d'être émir. Il a délaissé ce haq alors qu'il méritait رضي الله عنه. Après ces conditions, après avoir parlé avec Muawiyah, برز الحسن بين الصفين. Donc il est apparu entre les rangs et il a dit إني قد اخترت ما عند الله وتركت هذا الأمر لمعاوية. Et il a mis en application le hadith du prophète alayhi salatu wasalam. Il a dit Anna, je délaisse cette responsabilité à Muawiyah. Wa kabbara an-nas farahan wa ikhtalatu min sa'atihim. Ma al-mu'minun qui étaient présents, ils ont fait at-takbir et ils se sont mélangés les deux troupes à la base qui avaient divergé. Falhamdulillah, c'est devenu qu'un groupe. Wa sumiyat hadhihi as-sana Sanatul Jama'a. Cette année, les ulama, ils l'ont appelé l'année de Jama'a. Et la communauté s'est devenue un groupe. Wa tammat al-khilafa li Muawiyah radiyallahu anhu wa lillahi alhamd. Fa bihadha intahayna du résumé de la biographie des quatre califes radiyallahu anhum ajma'in wa istafadna kathiran. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala أن يتقبل منا ونسأله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم القيامة ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والثبات والحمد لله حياكم الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.